Chapitre 14e, Montjoie, Seine, Saint-Denis. Au lieu-dit de la Roubardière, le ciel percheron, chargé de leurs nuages bas, semblait s'abattre sur la chaumière ancestrale aux murs de torchis et aux toits de chaume, demeure immémoriale de la famille Taburet depuis des générations. Autour de la cour, formant un nu presque parfait, les bâtiments dégageaient une impression d'ordre rustique. À gauche, le logis principal au volet marron écaillé par le temps. À droite, l'annexe où résidaient les jumeaux Mathias et Mathieu. En face, un imposant hangar, sentinelle de bois et de tôle, dominait la cour. Ce bâtiment austère abritait les outils de laveur d'Émile Taburet, patriarche de la famille et maître de l'émondage des paysages locaux. Entrepreneur aguerri, Émile gérait son entreprise d'élagage et d'abattage, une affaire florissante qui faisait vivre non seulement sa famille, mais aussi plusieurs ouvriers du village. Les berbes des alentours, les haies bordant les routes et les vergers voisins portaient toute la signature de son travail méticuleux. À l'intérieur du hangar, l'odeur de sciure et d'huile de moteur flottait dans l'air, imprégnant les lieux d'un parfum presque martial. On y trouvait une collection d'outils impressionnantes, tronçonneuses affûtées, taille-haies géants, sécateurs télescopiques, mais surtout, l'engin fétiche d'Émile, une épareuse montée sur un robuste tracteur. Cette machine imposante, avec son bras articulé et sa lame rotative, capable de tailler à flanc de talus, était un symbole d'efficacité et de puissance. Émile en parlait presque avec tendresse, comme s'il s'agissait d'un allié fidèle dans ses batailles contre la végétation envahissante. Pour les habitants du coin, cette épareuse représentait l'ordre maintenu face au chaos de la végétation. Entre la route et la maison, un bosquet dense se balançait doucement sous l'effet d'un vent froid, tandis que le clapotis monotone d'une mare trouble, à demi recouverte de feuilles mortes, ajoutait à l'atmosphère mélancolique. L'air saturé d'humidité collé à la peau, imprégné de l'odeur puissante de terre mouillée et de résine. Chaque mouvement semblait alourdi par ce parfum profond et tenace. Malgré ce décor figé, presque champêtre, l'intérieur bouillonnait de vie. Le son étouffé d'un reportage télévisé s'échappait par une fenêtre entr'ouverte, se mêlant en bruit des couverts heurtant les assiettes. Dans la cuisine, Berthe Taburet, le tablier serré autour de sa taille robuste, s'activait avec énergie, une cocotte fumante à la main. Sa voix, forte et un brin râpeuse, fendit l'air. « Mathias, Mathieu, les garçons, si vous n'êtes pas là dans 5 minutes, vous mangerez froid, je vous préviens !» Un éclat de rire résonna depuis l'annexe, suivi d'un joyeux et tonitruant « On arrive, maman !» criait à l'unisson. Quelques instants plus tard, les jumeaux jaillirent dans la cour, leurs silhouettes massives rompant la tranquillité du paysage. L'un, encore à moitié vêtu, luttait pour enfiler un pull qui refusait obstinément de passer sa tête, tandis que l'autre, penché en avant, s'acharnait à enfiler ses chaussures sans prendre la peine d'en nouer les lacets. Entre deux éclats de rire, ils jetèrent un regard distrait vers le hangar, où le bois coupé plus tôt dans la soirée s'empilait encore, témoignant de leur récent labeur. Berthe Taburet les observait, oscillant entre la fierté et une pointe d'exaspération. Autrefois, elle avait été l'une des jeunes femmes les plus courtisées des bals de sa jeunesse, où sa crinière rousse flamboyante, ses yeux verts mordorés, et sa silhouette plantureuse faisait tourner la tête des garçons du village. À plus de 50 ans, sa poitrine s'était certes affaissée et ses formes arrondies, mais elle gardait des jambes musculeuses et une taille robuste, encore souple malgré les années. Ses bras solides, ses cheveux épais noués en torsade et l'éclat vif de son regard trahissaient une vitalité indomptable. Ses lèvres rouges, retroussées en un sourire presque féroce, témoignaient d'un caractère bien trempé, aussi fier qu'inflexible, forgé par une vie de travail et d'autorité. La cour s'animait à mesure que les jumeaux la traversaient, le froid mordant de la soirée n'entamant en rien leur énergie débordante, ni le regard perçant de leur mère, véritable cœur battant de cette maisonnée percheronne. C'est alors que, dans l'ombre des arbres bordant la route, un visage illuminé surgit brièvement avant de disparaître. Carvers, planqué derrière un tronc, ajustait sa perruque rousse, une main tenant un carnet gorné, où il grimouillait frénétiquement. 19h03, les cibles quittent leurs appartements, murmura-t-il. Tenue négligée, signal d'un relâchement psychologique. Sa vieille Range Rover maculée de boue était garée un peu plus loin sur un chemin vicinal. Sur le toit, soigneusement arrimé, trônait un étrange nain de jardin à la peinture écaillée comme une mascotte grotesque. Carver hocha la tête avec satisfaction, griffonnant une dernière observation dans son carnet. Terrain dégagé, condition idéale pour l'opération. Préparer les grenades artisanales. À l'intérieur de la chaumière, les tabourets s'asseyaient à table, ignorant tout du regard fixe qui, à travers des jumelles, scrutait chacun de leurs mouvements. Le feu de cheminée crépitait paisiblement, mais la nuit qui tombait allait bientôt transformer cette tranquillité en un champ de bataille absurde. Sous la lumière vacillante d'une lampe torche suspendue à une branche, Carthers examinait son arsenal de fortune, rangé avec une précision militaire dans le coffre de sa voiture. Son campement, dissimulé dans un bosquet, ressemblait davantage à une jardinerie hantée par un esprit dérangé qu'à une véritable base opérationnelle. Une quinzaine de nains de jardin, alignés en rang comme une armée muette, fixaient l'obscurité de leur regard immobile, oscillant entre le comique et l'inquiétant. Carthers s'approcha d'un nain coiffé d'un béret, le regard sévère et concentré. Avec une minutie exagérée, il redressa la peinture écaillée du couvre-chef, tel un officier inspectant ses troupes avant le célèbre Trooping the Colour, le grand défilé londonien célébrant l'anniversaire du roi devant Buckingham Palace. « Sergent McFadden, déclara-t-il d'un ton grave et assuré, la section d'assaut est sous votre commandement, préparez-vous. » Sa solennité, bien qu'improbable, semblait amplifier l'absurdité de la scène, une étrange fusion de logique méthodique et de folie pure. Reculant d'un pas, il planta ses mains sur ses hanches, contemplant sa section d'assaut d'un œil satisfait. Un silence dramatique s'installa, comme suspendu dans le temps, puis, d'une voix brusque, il lança « Si personne n'a de questions, en avant !» Dans un geste théâtral, Carothers s'empara d'une pomme de pin soigneusement enveloppée de chiffons imbibés d'essence. La tenant fermement à la manière d'une grenade offensive, il fixa le vide avec une ferveur envoûtante, ses yeux brillants de détermination. « Voici l'arme qui mettra fin au règne de terreur des O'Leary !» proclama-t-il, la voix vibrante d'une autorité autoproclamée. Ces requins ne savent pas ce qui les attend. Ils sont faits comme des renards. On les enfume, ils sortent de leur terrier et craquent, on les prend au collet. Il se dirigea vers l'arrière de sa Range Rover, où l'attendait un arsenal improbable. Des pommes de pin étiquetées, grenades porc-épic, des lance-pierres bricolées avec des branches tordues et des élastiques, et une couscoussière cabossée dénichée dans un dépôt sauvage rempli d'aiguilles de sapin, fièrement baptisée bombe Al-Alamein. Chaque objet, aussi absurde soit-il, était rangé avec une précision quasi militaire, obéissant à une logique que lui seul comprenait. Carver leva les yeux vers le toit de la voiture, où un gyrophare jaune, emprunté à un chantier voisin, était fixé à une vieille batterie de camion. Il appuya sur un interrupteur. La lumière vacillante illumina brièvement la clairière, projetant des ombres grotesques sur les arbres alentour. « À la manière du FBI, mais en plus britannique. » murmura-t-il avec un sourire satisfait. Il se saisit ensuite d'un mégaphone cabossé récupéré lors d'une vente de charité sur Piccadilly Circus. Après un sifflement strident, il s'entraîna d'une voix combinatoire. « O'Leary, rendez-vous immédiatement, vous êtes cerné !» Satisfait de son autorité imaginaire, il baissa le mégaphone et marmonna. « Convaincant, très convaincant. » Perché sur le toit de la voiture, jouant les snipers improvisés, trônait le joyau du dispositif, un nain vêtu d'une tunique bleue ceinturée d'argent, tenant fièrement une mitraillette Thompson miniaturisée. À ses côtés reposait une lunette de fortune, ingénieusement bricolée à partir d'un rouleau de papier toilette. Conçu pour autant divertir que, théoriquement protégé, ce nain de jardin armé arborait une phrase gravée sur son socle « Say hello to my little friend ». Un résumé parfait du plan global ourdi par le Britannique. Major Meldon, du haut de ce command-car, vous serez nos yeux dans l'obscurité. Ne nous décevez pas. Avec un souffle profond, Carthers grimpa sur le capot de la voiture, dominant son armée de céramique. Levant les bras comme un général devant ses troupes, il entama son discours final. Messieurs, ce soir nous entrerons dans l'histoire. La roublardière connaîtra son Bloody Sunday. une réplique implacable face aux menées terroristes de ces O'Leary. Ce n'est pas seulement une mission, c'est un devoir sacré. Ces assassins pensent qu'ils peuvent répandre leur chaos impunément. Mais ils n'ont jamais affronté des hommes comme nous. Ce soir, leur route sanglante s'arrête ici. » Il descendit du capot avec une maladresse héroïque et ouvrit son carnet pour un dernier briefing. Plan d'attaque. Section Alpha, encerclement de la chaumière. Section Bravo, grenade sur le toit. Section Charlie, Caporal Peel, vous improviserez pour Charlie. D'un claquement sec, il referma le carnet et inspira profondément. Messieurs, l'heure est venue. Saint-Georges et nous. La nuit venait de tomber, plongeant la chaumière des taburets dans un calme trompeur, seulement troublé par la lumière vacillante de la télévision. Ses reflets dansaient sur les murs de la pièce principale où la famille était réunie autour de la table basse. Entre deux bouchées d'une tarte tatin dorée, préparée avec soin par Madame Taburet, il commentait avec entrain les déboires sentimentaux des candidats de l'amour et dans le pré. Dehors, dissimulé dans l'ombre du bosquet, Carothers ajustait nerveusement ses jumelles. Sa respiration, haletante, traduisait une tension grandissante. Chaque mouvement derrière les rideaux de la chaumière lui semblait suspect, comme une preuve supplémentaire du complot qu'il se figurait. Quand il abaissa les jumelles, sa main trembla légèrement. « Il pense pouvoir me berner, papiste, » murmura-t-il, les mâchoires crispées. « Mais ce soir, leur jeu de dupes s'arrête ici. » Il se tourna vers le major Muldoon, perché sur le toit de la Range Rover. Ce dernier fixait la chaumière à travers une lunette artisanale. D'un hochement de tête solennel, Carothers lui donna le signal. « Major, ordre d'attaque !» Dans une mise en scène grandiloquente, il activa un gyrophare, projetant des éclats jaunes vifs sur les troncs des arbres. Puis, saisissant un mégaphone, il aboya. « O'Leary, rendez-vous, vous êtes cerné !» La voix amplifiée déchira le calme nocturne, mais à l'intérieur, M. Taburet, confortablement installé dans son fauteuil, ne daigna même pas tourner la tête. Fronçant légèrement les sourcils, il tendit le bras pour augmenter le volume de la télévision. « Encore ces jeunes avec leur scooter » marmonna-t-il, l'air blasé. Cette tranquillité fut soudain brisée par une pluie de pommes de pin enflammées projetées depuis la cour. L'une d'elles s'écrasa sur le toit de la chaumière, où elle embrasa instantanément quelques tuiles moussues. Le crépitement des flammes fut bientôt couvert par la voix hystérique de Carothers, amplifiée par un mégaphone. « Sortez de la bande de renards roux, sortez de votre terrier ou on va vous enfumer !» M. Taburet bondit de son rocking chair, projetant la télécommande au sol dans un fracas sourd. Il écarta vivement les rideaux, le cœur battant, pour découvrir une scène qui le laissa interdit. Sous la lumière vacillante des flammes et des phares d'une Range Rover, un sinistre individu vêtu d'un treillis militaire gesticulait frénétiquement au milieu de la cour, brandissant un tuyau métallique tel un bâton de maréchal. Autour de lui, une quinzaine de nains de jardin formaient un cercle parfait, leurs couleurs vives illuminées par les reflets des flammes. Chaque figurine semblait placée avec une minutie presque rituelle. Le nain pêcheur pointait sa canne vers la chaumière, le nain musicien dirigeait sa flûte vers la porte d'entrée et le nain jardinier levait une petite pelle comme un appel à l'assaut. Au centre, l'individu bondissait d'un pied sur l'autre en poussant des exclamations incompréhensibles. Ses mouvements frénétiques projetaient des ombres démesurées sur la façade de la maison. Par moments, il levait son tuyau vers le ciel, comme pour invoquer une force supérieure, avant de l'abattre violemment sur l'un des nains, qui vacillait légèrement avant de retrouver son équilibre. « Nom de Dieu, c'est quoi ce cirque? C'est qui ce dingo ?» s'écria M. Taburet, plaquant une main sur le rebord de la fenêtre, les yeux plissés par l'incompréhension. Dans la cour, l'homme sembla l'entendre. Il s'immobilisa, le tuyau suspendu à mi-course, et tourna lentement la tête vers la fenêtre, tel un prédateur ayant repéré sa proie. Un éclat de lumière émis par le gyrophare de la Range Rover révéla un visage marqué par une grimace exaltée. Ses lèvres bougèrent, mais le vacarme des flammes et le bruit ambiant étouffèrent ses paroles. Puis, dans un geste théâtral, il leva les bras et désigna les nains comme s'il leur donnait des instructions secrètes. M. Taburet, toujours figé, observait cette armée immobile et grotesque, ses traits tirés entre incrédulité et alarme. Mais l'absurdité de la scène céda rapidement la place à un instinct plus primaire. D'une voix rauque, il hurla en se tournant brusquement. « Berthe, Va me chercher le fusil. Les garçons, on est attaqués. » Les jumeaux bondirent sur leurs pieds comme sous le coup d'une décharge d'adrénaline. Mathias se figea, les yeux fixés sur l'obscurité au-delà des rideaux entrouverts. Sa respiration s'accéléra, tandis qu'il tentait de discerner les silhouettes dans la pénombre. « Tu crois qu'il est vraiment dangereux, ce type ? » murmura-t-il, la voix légèrement tremblante. Mathieu, déjà accroupi devant une vieille penderie en bois, fouillait frénétiquement parmi les objets hétéroclites. Il s'arrêta une seconde, redressant légèrement la tête. « Dangereux, Carvers ? Généralement, ce type n'est qu'un pauvre bouffon, » répondit-il, un rictus moqueur aux lèvres. « Mais là, je ne sais pas ce qu'on lui a refilé, mais on dirait qu'on est tombé sur le clown Gripsou en personne. » Il pointa du doigt vers la cour, les flammes vacillantes des pommes de pin projetaient des éclats imprévisibles, éclairant par à coup une scène d'un grotesque presque surnaturel. Carvers était là, une silhouette désarticulée dans le chaos, brandissant un tuyau métallique qui renvoyait des reflets inquiétants. Ses mouvements, désordonnés mais frénétiques, évoquaient une sorte de chorégraphie sauvage, à mi-chemin entre l'hystérie et la danse de guerre. Mathias déglutit avec difficulté, incapable de détourner les yeux de l'étrange spectacle qui se déroulait dans la cour. Un clown peut-être, mais là on dirait qu'il a quitté le cirque pour jouer dans un film d'horreur, murmura-t-il, le souffle court. Mathieu releva la tête, une étincelle de défi dans le regard. « Eh bien, on va lui montrer que nous, on n'est pas des bouffons, » répliqua-t-il d'une voix ferme, son sourire nerveux trahissant une excitation presque jubilatoire. Mathias fronça les sourcils, la mâchoire crispée. Il serra les poings, comme pour canaliser l'adrénaline qui envahissait tout son corps. « Alors on va lui montrer comment les tabureux défendent leur territoire, » lâcha-t-il, une résolution froide dans la voix. La détermination remplaça leur hésitation initiale. Et les deux frères se tournèrent vers la penderie où étaient soigneusement rangées leurs tenues de chevalier. Mathias décrocha une côte de maille et un bouclier pendu à l'intérieur, tandis que Mathieu récupérait sa tenue de piqué, une côte de maille, un casque en ogive et une pertuisane solidement fixée à un support en bois. « Ça va être un carnage, mais quitte à affronter ce type, autant le faire avec du panache, » lança Mathieu, déjà concentré. Quelques instants plus tard, ils émergeaient de l'annexe, transformés en figure médiévale improbable. Sous les reflets dansants des flammes et les phares aveuglants de la Range Rover, leur silhouette prenait une allure étrangement héroïque. Mathieu leva sa pertuisane vers le ciel, adoptant une pose dramatique et hurla, d'une voix claire et impérieuse, le cri du ralliement des chevaliers du roi de France « Mon joie Saint-Denis !» Carvers, interloqué, recula d'un pas avant de reprendre contenance. Il brandit son mégaphone avec ferveur et brailla « Ah ! Enfin leur vrai visage, ces traîtres de Français qui vaut le secours de l'IRA. Et en armure en plus. Wellington, relève-toi, ils sont devenus fous. » Puis, en direction d'une impile, « Caporal, activez le plan Charlie. » Pendant ce temps, Madame Taburet, jusque-là stoïque dans l'encadrement de la porte, était passée à l'offensive. Elle poussa un vieux tonneau de cidre avarié, initialement destiné à faire du vinaigre, jusqu'à l'entrée de la cour. « Mathias, donne un bon coup de pied dans ce truc. Faut que ça roule jusqu'à cette foutue voiture. » Mathias acquiesça, visiblement amusé, et envoya balser le tonneau d'un coup magistral. La barrique déballa la pente en cahotant, droit vers la Range Rover. Voyant le danger approcher, Carvers hurla dans son mégaphone, sa voix déformée par la panique. « Attention, une attaque chimique. Écartez-moi ce baril. » Le tonneau s'écrasa contre la voiture dans un fracas retentissant, aspergeant le commando d'un liquide âcre et nauséabond. Trois nains de jardin, pris dans l'impact, s'écroulèrent mollement sur le gravier. Voyant plusieurs de ses hommes à terre, Carvers rugit de colère. « Ils ont des armes biologiques qui dessinent nos troupes. Meldon, ripostez !» Mais avant que le major ne puisse esquisser un mouvement, M. Taburet intervint. Armé de son vieux fusil de chasse, il ouvrit une fenêtre et ajusta calmement son tir. La détonation brisa le tumulte nocturne et le nain de jardin posté sur le toit de la Range Rover explosa en une pluie de fragments multicolores. « Meldon, oh non !»« Vous me payerez ça, sale chien !» hurla Carothers, le visage tordu de rage. M. Taburet, impassible, referma la fenêtre d'un geste sec et tendit l'arme à son épouse. « Berthe, occupe-toi de couvrir les garçons. Moi, je vais leur montrer qu'ici, c'est moi le patron. » Sans attendre de réponse, il attrapa son casque de chantier accroché près de la porte et sortit d'un pas décidé dans la nuit froide. Quelques instants plus tard, un grondement sourd s'éleva depuis l'autre côté de la cour, interrompant le chaos. Lentement, comme une bête réveillée, l'épareuse d'Émile avançait dans l'obscurité, ses phares illuminant les silhouettes tremblantes des nains de jardin. Sous son casque, le patriarche affichait une détermination implacable. « Dégagez de ma propriété, bande de zouaves !» rugit-il avec une autorité retrouvée, sa voix amplifiée par le bruit du moteur grondant. Dans l'imaginaire exalté de Carruthers, l'épareuse se métamorphosait en un véritable char d'assaut, un tank rustique et imposant, prêt à écraser tout sur son passage. Sous ses phares aveuglants, son bras articulé et sa lame rotative prenaient des airs d'armes de destruction massive, une force implacable destinée à pulvériser les obstacles et à imposer l'ordre. Dans sa vision déformée, l'épareuse dépassait sa simple nature mécanique. Elle devenait un symbole de puissance brute, un instrument de guerre conduit par un général en casque de chantier. À cet instant précis, l'Anglais voyait en elle l'arme ultime d'une bataille prophétique, un tank improvisé, monture d'acier dans les cavaliers de l'Apocalypse, prêt à semer le chaos dans la cour des tabourets. Carruthers, débordé, comprit que la messe était dite. Dans un dernier geste dramatique, il tenta une retraite chaotique, serrant contre lui un nain de jardin comme un camarade blessé. Mais à peine avait-il parcouru quelques mètres qu'il trébucha sur une racine, s'étalant de tout son long sur le sol. Tandis qu'il tentait laborieusement de se relever, Mathias, fidèle à son rôle de chevalier, décrocha son bouclier et le lança de toutes ses forces. Le projectile s'écrasa quelques centimètres de l'Anglais, soulevant une gerbe de cailloux qui le fit chanceler encore davantage. Non loin de là, à l'entrée de la cour, Mathieu avançait lentement, une lueur dramatique dans le regard. Brandissant sa pertuisane comme un bâton de mage, il se planta fermement, l'afficha dans le sol d'un geste théâtral, puis, imitant la posture magistrale de Gandalf face au Balrog, il tonna avec gravité « Vous ne passerez pas !» Carruthers, allongé dans la boue, leva un regard hagard vers Mathieu, qui le dominait de toute sa stature. Le souffle court, les vêtements imbibés de cidre avarié, l'Anglais sentit l'étau se refermer sur lui. Tout échappatoire semblait désormais impossible. Ce soir, l'histoire ne retiendrait pas son héroïsme, mais la résistance farouche des tabourets. Dans son esprit enfiévré, la scène prenait des proportions épiques. Il s'imaginait déjà captif, enfermé dans une tour obscure ou relégué aux oubliettes, prisonnier d'une guerre qu'il avait lui-même déclenchée. Les pompiers, les gendarmes, désormais en nombre, encerclaient la roublardière. Sous les jets puissants des lanceurs incendies, les dernières flammes s'éteignaient, laissant derrière elles une vieille chaumière noircie mais toujours debout, comme un symbole de résistance face au chaos. Carruthers, solidement ligoté par les frères Tabouret, grognait des mots incompréhensibles derrière un bâillon improvisé. Ses gesticulations frénétiques attiraient l'attention de l'adjudant-chef Cornac, un homme à la stature imposante, au visage buriné et aux yeux perçants. Avec un calme autoritaire, il fit un signe au gendarme. « Celui-là, mettez-le direct en cellule de dégrisement, » ordonna-t-il, « et faites en sorte qu'il ne nous récite pas la moitié des lois britanniques d'ici là. » Tandis que les gendarmes le traînaient vers la cabinette, Carruthers, visiblement revenu à un semblant de lucidité, se débattit de plus belle. « Vous ne comprenez pas, je suis d'Interpol, des preuves, des réseaux souterrains, vous allez tous regretter ça !» Un dernier hurlement fut étouffé lorsqu'il fit pousser son ménagement dans le véhicule, refermant la scène sur un claquement sec. Non loin de là, les frères Tabouret, bras croisés, observaient le spectacle avec un mélange d'ironie et de satisfaction. Et dire qu'on pensait que c'était juste un pauvre type déguisé pour carnaval, lança Mathieu en secouant la tête. Ouais, mais faut avouer, sa moustache était bien collée, rétorqua Mathias avec un sourire narquois. L'adjudant-chef Cornec, debout à quelques pas, haussa un sourcil visiblement sceptique. Vous ne l'aviez jamais vu rôder dans le coin avant? Mathieu secoua la tête, puis concéda. On avait bien repéré un galouche qui traînait dans les bois, avec un panier à champignons. On pensait qu'il cherchait des girolles, pas qu'il tournait un full metal jacket à la percheronne. Cornec resta impassible, son sourcil levé, exprimant tout sauf l'amusement. « Cet agent s'est présenté comme un membre d'Interpol, » ajouta-t-il avec gravité. « Il prétendait enquêter sur un trafic de drogue lié à la rive de Rouporou. Ça vous parle ?» Mathias, légèrement agacé, haussa les épaules et répondit d'un ton ferme. On a juste filé un coup de main, comme d'habitude, les lumières et le son pour l'événement, rien de plus. Exactement comme on le fait pour les médiévales de la Herse. Une fois notre boulot fini, on s'est tiré. Vous pouvez demander aux organisateurs. Cornec fixa les jumeaux un moment, le visage impassible, avant de hocher lentement la tête, visiblement convaincu. Ça colle avec ce qu'on a trouvé dans ses affaires, dit-il, en sortant un carnet écorné qu'il feuilleta rapidement. Des notes délirantes sur des conspirations internationales et une perruque rousse. Il releva les yeux, son sourcil arqué, pointant du menton les nains de jardin soigneusement disposés autour de la maison. Et ça, ces nains de jardin en ordre de bataille, c'est quoi l'histoire ? Mathieu éclata de rire, tapant sur l'épaule de son frère. « Ah ça, bonne question, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils en ont vu des vertes et des pas mûres. » Mathias, un sourire goguenard aux lèvres, renchérit. « Je parais qu'il avait monté une mission spéciale pour les libérer des griffes du FLNJ avant de les enrôler dans son armée personnelle. » Cornec, incapable de retenir un sourire en coin, secoua la tête avec un soupir avant de se tourner vers ses hommes. « Chargez-moi tout ce fourbi dans le fourgon. » conclut-il avec lassitude. Alors que le calme retombait peu à peu sur la roublardière, une silhouette imposante s'avança depuis la cour. Émile Taburet, les mains encore tachées de cambouis, se tenait droit devant son épareuse. Le monstre mécanique, garé en arrière-plan, semblait veiller en silence, prêt à bondir au moindre signal. Émile posa une main ferme sur l'épaule de Cornec et déclara d'un ton bourru. « C'est vraiment un flic, ce type-là. Avec des gars comme lui, c'est les bandits qui peuvent dormir tranquilles. » Visiblement gêné, le gendarme Cornec se racla la gorge avant de répondre avec une pointe de résignation. « Policier, d'Interpol et anglais, je décline toute responsabilité pour les agissements de ce... sinistre individu. » Émile esquissa un sourire froid et hocha lentement la tête. « Ici, adjudant, on n'aime pas qu'on nous cherche. Si ce clown revient foutre le feu, pas sûr qu'on vous le rende entier. » Cornec éclata d'un rire franc, levant les mains en signe de l'apaisement. « Comptez sur moi pour attester la légitime défense dans ce cas-là, monsieur Taburet. Et merci pour votre assistance ce soir. » Les jumeaux, toujours fiers de leur intervention héroïque ou comique, échangèrent un regard complice, un sourire victorieux aux lèvres. Dans le lointain, les phares des gendarmes s'effacèrent progressivement, laissant la roublardière plonger à nouveau dans le silence. Pourtant, sous la lumière tamisée de la lune, un nain de jardin renversé semblait fixer le vide, immobile. Témoin muet de cette soirée où la folie avait dansé sur le fil du burlesque et du tragique.